Édition de février 14. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Après le redoux, la pluie verglaçante et les pannes d'électricité de la fin décembre, janvier nous a réservé du temps froid dans nos contrées. Suffisamment froid pour que la pipe d'eau chaude fournissant l'évier de cuisine gèle. Aucun dégât, mais quand même embêtant quand vient le temps de faire la vaisselle. Ça implique de nombreux allers-retours entre le robinet de la salle de bain et le dit évier. En passant, le site Fun E-Read à www.funeread.com/le-livre-des-merveilles.html vient d'ajouter un lien vers mon enregistrement de Le Devisement du Monde par Marco Polo, enregistré pour audiocité.net. Merci à eux. Aristide Filiatro nous présente Bâtissette Dufour, un homme qui ne manque pas d'audace. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Bâtissette Dufour. Il y avait autrefois à Sainte-Thérèse un type extraordinaire qui répondait au nom de Bâtissette Dufour. On ne trouva jamais un être aussi original que celui-là. Maquignon, il l'était dans toute la force du mot. Au point de vue physique, il était hybride, tenant du macaque et de l'ours. Hirsute, mal peigné, mal léché, il était cependant d'une intelligence peu ordinaire quand il s'agissait de ses intérêts. Et il faut bien le dire, il ne songeait qu'à ses mêmes intérêts. Quand il brocantait un cheval quelconque, si l'animal avait perdu une partie de son poil quelque part, il lui collait de la peau de génisse de sa couleur et il avait toujours dans ses poches une fiole de térébenthine pour activer son allure. Cela ne ratait jamais son effet et le diable entrait dans le corps du cheval qu'il vendait invariablement à de bonnes conditions. Monsieur le curé du charme, le plus brave homme de la création, possédait un bouquet de bois au tournoi de la montée de la côte Saint-Louis à 1 mille environ du village. Quand les finances de Bâtissette étaient à la baisse, il se rendait au bois de M. le curé, coupait un voyage de bois et venait le vendre au village. Mon père, qui était notaire de son métier, avait son bureau au centre du village, dans une maison à 2 étages, collée à une autre maison basse et à un magasin au coin occupé par M. McIntyre. Les dépendances étaient à l'arrière, mais il n'y avait pas de barrière. C'est-à-dire qu'on rentrait par un bout et qu'on sortait par l'autre sans aucune entrave. Bâtissette revenait du bois avec sa charge et en arrivant sur les fenêtres du bureau du père, il le hélait. « Paul, veux-tu acheter un voyage de bois? »« Combien? »« 4 livres 10. »« C'est bon, Bâtissette, fais le tour. » Il lui donnait l'argent et Bâtissette faisait le tour sans décharger le bois et passait par l'autre rue pour se rendre au séminaire. « Bonjour, monsieur le curé. »« Comment s'en va-t-il, Bâtissette? »« Ça va bien, monsieur le curé. » Je suis bien pauvre. J'ai un voyage de bois à vendre. Voulez-vous l'acheter? Combien? Comme c'est à vous, je vais vous le laisser pour 330 sous. « Ce mois-ci, Jean-Seb nous parle principalement de deux podcasts, un Européen et un Québécois. À toi, Jean-Seb. Merci Christian, salut la gang de Radio H2O, bonjour les podophiles, ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et si possible québécoises de l'univers audiophonique, disponible sur le net. De quoi je vais vous entretenir pour cette capsule? Jusqu'à ce matin, je dois vous avouer que je ne le savais pas trop. Finalement, j'y vais avec mon cœur et je vous entretiens de barbe et de docteur. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais souvent, pour être le moindrement intéressant, il me faudrait faire des recherches approfondies sur les sujets et le temps me manque beaucoup trop souvent. Je peux bien vous déballer toute la liste que j'ai et vous dire que c'est super bon, mais sans plus, et ça serait plate en plaute. Bon, je vous avais dit que j'essaierais d'être plus présent sur les réseaux sociaux cette année. J'ai déjà commencé. J'ai commencé à tapocher sur Twitter. J'ai principalement interagi avec Yann Thériault, principalement parce que c'est un gars simple, fortement actif sur les réseaux, et qui interagit facilement avec tout le monde, je crois. Ça a porté fruit. J'ai presque doublé mon nombre d'auditeurs. Je suis rendu à 75 suiveux. Il m'a entre autres aidé à continuer mon débroussaillage pour la mise en branle de mon projet de podcast solo. Et à butiner et m'immiscer dans l'une ou l'autre des conversations, je commence à me faire du fun avec quelques-uns. J'ai justement eu un bel échange avec la Grotte du Barbu qui m'a vraiment fait plaisir. Tout a commencé par un de ses posts où il demandait si quelqu'un avait des podcasts à lui suggérer. Alors je lui réponds en lui disant que si je baissais mes culottes, qu'il ferait de même lui aussi. Ça fait que je lui écris en rafale quelques noms de mon répertoire. Sa réponse m'a alors flatté l'orgueil. Ça disait, et je cite, « OMFG, mais c'est toi, Jean-Seb, de la belle province, du Wewesh de Walter Proof. Je cours écouter ça tout de suite et je te file ma liste. Ben, c'est-tu pas le fun d'avoir une belle réputation comme ça, jusqu'à l'au bout de l'Atlantique? » Et alors, en échange, il m'en a suggéré plus d'une dizaine que j'ai téléchargées, mais malheureusement, je ne les ai pas encore écoutées. La Grotte du Barbu, vous connaissez pas? C'est vraiment un personnage, ce gars-là. J'en ai pas parlé avant parce que je pensais qu'il avait arrêté ses podcasts, mais il a recommencé récemment. Comment le décrire? Je vous dirais un gros nounours bidouilleur. En effet, Babozard, de son vrai nom Olivier Chambon, est, selon moi, la véritable définition d'un geek. Il a le profil physique d'un videur de bar, la dextérité d'un lutteur, mais la débrouillardise et l'ingéniosité d'un MacGyver. Sous une musique heavy metal parfois tonitruante dans ses vidéos, avec la patience et la douceur de voix d'un Kalinours, Babozard vous montrera à faire des choses de vos 10 doigts, tout aussi empotés qu'ils puissent être. Toi aussi, tu rêves de transformer un vieux chauffe-eau en giga barbecue? Tu veux monter un objectif sur ton nouvel iPhone 4 avec des billes de plastique thermoformables? Tu rêves même de monter avec tes mains une balançoire dans le métro? Ben, sache que tu n'es pas seul. Écoute la Grotte du Barbu et tu découvriras des trucs à faire avec les moyens du bord. Il n'y va pas dans la finesse, c'est clair, c'est simple et d'habitude ça marche. Lorsqu'il nous fait un audio, c'est tout en douceur que ça se passe, tout en confidence avec plein de brèves geekitudes qu'il partage avec nous en vrac. Il me fait vraiment penser à un copain que j'avais quand j'étais jeune. Vous savez que finalement, j'ai pas eu le temps d'écouter les suggestions que Babozard m'a envoyées, mais ce matin, j'ai écouté une nouvelle série de podcasts dont j'avais entendu parler à pas de problème, et dont j'avais aussi pris note pour faire un suivi. Voici enfin l'heure d'une autre fantastique découverte. Je veux parler ici d'une personne qui a trouvé d'excellents collaborateurs qui ont su créer une émission originale avec un sujet de base totalement inattendu pour être traité parfois et même souvent avec humour. Ainsi donc, en ce début d'année, j'ai jeté mon dévolu sur le podcast de Lobe Frontal, animé par le docteur Dominique Garand, médecin omnipraticien depuis le début des années 2000, principalement urgentologue la nuit au centre hospitalier d'Amos, ouais, c'est en Abitibi, au nord du Québec, au Canada, ouais, en effet, planète Terre, quelque part dans la galaxie de la Voie lactée, entre le bras du Sagittaire et le bras de Persée, oui, s'il faut vraiment le préciser, au cas où ma renommée dépasserait mon nombril, et l'Europe de mon ami Barbu. Bon. Ça fait que le bon docteur s'est en effet entouré d'une co-animatrice Isabelle, infirmière auxiliaire, qui l'aide avec l'informatique, mais qui est toujours celle qui perd la communication Internet, de Jean-Philippe, infirmier, technicien d'urgence, et qui est là pour péter sa coche de temps à autre, de Jade-Élise, qui surveille les moniteurs aux soins intensifs. Elle incarne l'expression de ne pas avoir de filtre, et on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve quand elle part dans sa bulle. Et finalement, de Julie, qui vient régulièrement présenter ses tops, pas toujours 10, des fois 8. Ainsi donc, le Lobe Frontal est donc un podcast de personnes de la santé qui ne parlent pas au nom du collège, ou de la FMOQ, ou de leur hôpital. Le Lobe Frontal n'est pas un média de consultation. Ils ne répondent pas aux questions sur la santé des gens. Le Lobe Frontal n'est pas non plus un podcast d'enseignement, mais qui parle seulement de leurs expériences, leurs opinions, leurs croyances sous forme de conversations légères. Il y a beaucoup de fou rire et ont parfois des thèmes provocateurs. Personnellement, je dirais que ça ressemble à une discussion d'infirmiers qui jasent sur la pause du dîner et qui y vont de blagues, de pubs de médicaments vus à la télévision, de discussions autour de polémiques associées au salaire des médecins et vis-à-vis certaines pratiques, les irritants et préjugés des infirmiers, l'éthique de l'habillement et du style. Ils peuvent être à la recherche de consultations les plus folles documentées dans les salles d'urgence. Ils peuvent péter leur coche sur le fait que porter à l'urgence un ami qui a juste trop bu, il n'y a pas de vaccin, mettez-le dans le bain et continuez la fête, c'est leur suggestion. Parfois, il y a des vox pop sur Twitter, Facebook, ou entre mêmes, entre collègues. C'est vraiment drôle à écouter. Aucun besoin d'être du milieu pour écouter. En passant, s'il y a un médecin dans la salle, il se cherche d'autres collaborateurs du milieu infirmier ou hospitalier. Pas besoin d'être une sommité, juste le goût d'échanger, d'avoir de l'humour et du verbe. Oh! Et je rappelle que le Lobe Frontal n'est pas pour les enfants. Certains épisodes sont sans aucun doute pour les oreilles matures. Ils sont rendus à 40 épisodes et n'existent que depuis le début de 2013. 30 minutes de bonheur par semaine, c'est à écouter. Faites des recherches sur le web Lobe Frontal, en un mot, L-O-B-E-F-R-O-N-T-A-L. J'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps. Une petite dernière rapide pour terminer. J'ai acheté mon cadeau de Noël, un Sansa Clip Plus Fit, d'accord. C'est fantastique. J'ai cherché, je l'ai acheté chez Amazon. À date, je suis très heureux. Je demandais que deux choses de pouvoir faire avec. C'était d'avoir une écoute rapide qui soit compatible avec Rockbox. À date, j'en ai pas eu de besoin, parce que je peux effacer directement sur le lecteur et c'est un bonheur. Alors, je retourne le micro à Christian. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. Kevin MacLeod d'Incompetech.com fournit la musique qui accompagne les capsules. Nous débutons ce mois-ci une nouvelle aventure de Mazas Pavel, la troisième, Un monde en héritage, par André Bory. Mais avant de sauter à pieds joints dans l'histoire, je vous offre la brève présentation enregistrée et diffusée quelques mois avant la mise en ligne de l'audiobook sur notre site à la fin 2010. Bonjour à toutes et à tous, Christian Martin au microphone. Pour ceux et celles qui l'ignoreraient, je tiens le blog des Éditions de l'Avenir et suis responsable de la majorité des productions que nous y avons présentées. Je viens vous parler aujourd'hui de notre prochaine méga-production et j'ai nommé la troisième aventure de Mazas, Mazas Pavel, un monde en héritage. Tous les lecteurs-acteurs ayant participé aux deux productions précédentes ont accepté de reprendre leur rôle. K00 prête donc sa voix une fois de plus à notre héroïne et sera entouré de ses complices de la première heure, avec Christophe dans les rôles de Sevomirir Singh et Thiromont, ainsi que Kael, qui incarne Corton et Kalec Voram, et Fred dans le rôle d'Atlan. Arx, le redoutable octopode, revient également. De la deuxième aventure, nous ramenons l'émir, incarné par Ezwa, et John Pavel, le frère aîné de Mazas. Michael Cadillac prête à nouveau sa voix à ce dernier. Parmi les nouveaux personnages, nous ferons la connaissance de la mère de Mazas et de l'épouse de John, incarnés respectivement par Claude Kouofarki et Camille. Nous rencontrerons aussi plusieurs membres d'équipage de l'Arcturus, le vaisseau de John. Ceci nous a permis d'inviter plusieurs nouveaux lecteurs-acteurs, dont Merzlin, Reggie Metal Fox, Jay, Stanley et Patrice. Silverson prête sa voix à un cruel quartier. Il y a un nom qui reviendra souvent dans cette production, celui de Gabriel Jean. Gabriel a le don de pouvoir transformer sa voix à volonté. Aussi, en plus d'incarner Rabotax 3, personnage tiré tout droit de la série originale et dont les amateurs se souviendront peut-être, et tous les autres robots intervenant dans cette histoire, il s'est également chargé de nombre de personnages secondaires. Un talent précieux pour un réalisateur d'audiobooks, Gabriel. À titre d'historique, laissez-moi vous décrire un peu le processus d'une production comme celle-ci. D'abord, il me faut quelque peu travailler sur le texte que m'envoie André Bory, l'auteur. En effet, même si nous respectons le texte original au plus près, il me faut tout de même en faire une sorte de script, c'est-à-dire identifier clairement qui dit quoi, ce qui n'est pas toujours simple. Ceci fait, j'ajoute au texte les indications pour les différents effets sonores ainsi que les interventions musicales. Ce n'est qu'ensuite que je contacte les lecteurs-acteurs. J'approche d'abord les anciens, leur demandant s'ils veulent bien reprendre leur rôle. Dans ce cas-ci, ce fut fait en février 2010. Et ils ont tous accepté. C'est déjà une étape importante de franchie dans une série comme Mazas. Puis est venue la quête des voix pour les autres rôles à assigner, nombreux comme toujours dans les aventures de Mazas. Vous vous demanderez peut-être où je déniche tous ces talents. Les sources sont multiples. Audiocité en fournit quelques-uns, LibriVox également. Plusieurs des nouveaux proviennent du forum de doublage libre et deux de l'univers de Saga MP3. Il reste alors pour chacun d'eux à enregistrer leurs répliques, chacun chez eux, sur leur ordi, et à me les faire parvenir. Processus parfois assez long pour certains. Je m'attelle également à la tâche car, dans Mazas, je suis le narrateur en plus de la voix de Arx. Souvent, dès que j'ai en main toutes les répliques nécessaires à une scène, je commence à travailler sur cette scène. D'abord, je prends les enregistrements de chacun des intervenants que je divise réplique par réplique, identifiant chacune clairement. Sur certains enregistrements, j'ai dû, avant cette étape, les nettoyer un peu. C'est-à-dire enlever le bruit ambiant, souvent les ronflements des PC. Vient alors le processus d'assemblage. Suivant le texte pas à pas, je place dans le logiciel de montage les interventions de chacun, les effets sonores et les musiques. Mazas Pavel, un monde en héritage, étant la troisième aventure de la série, j'ai déjà sur mon ordi plusieurs des effets sonores et toutes les musiques que j'ai composées pour les deux premières. Mais le texte demande toujours un effet que je n'ai pas, et je me mets alors en chasse. Bref, au moment d'enregistrer ceci, je puis vous dire que le prologue et les 7 premiers chapitres sont terminés, et le chapitre 8 avance bien.

Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. J'ai le plaisir de vous présenter la première partie d'une entrevue réalisée live par Skype samedi le 1er février avec André Bory, l'auteur de Massas Pavel, et sa compagne Marie-Christine Bussière. Entrevue. Oui, bon, ben, d'une part, je suis d'origine alsacienne. Je suis né juste au début de la guerre, en 1940. Et j'ai toujours aimé écrire. Depuis tout gamin, déjà, je me souviens quand j'avais une douzaine d'années, j'avais écrit un roman qui se passait sous les mers à la recherche de l'Atlantide. Ah bon, ouais. Voilà. Donc, bon, j'étais jamais allé au bout du roman, hein, mais bon, c'était pendant que j'étais en pension, parce que de l'âge de 10 ans à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé en pension à Paris. Et bon, c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai gardés de ma vie. Hein. Honnêtement, j'étais chez les curés et je ne suis pas ressorti curé de là-bas. Et donc, je suis... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon, après, je suis rentré dans la vie pour travailler. J'ai été pendant 35 ans dans l'aviation. Ok, tu faisais quoi? J'étais... Ben, au départ, j'étais... agent d'opération et ensuite chef d'escale. Je n'ai pas fait beaucoup d'escale. J'étais chef d'escale à Douala en 1974. J'ai été chef d'escale à Bruxelles en 72. Et puis autrement, j'étais chef d'escale de permanence au Bourget et à Roissy. Okay. Ensuite, je suis passé au fret, où j'ai fait 20 années au fret parce que en guise de punition, parce que lorsque j'étais chef d'escale à Paris, à Roissy, j'ai été solidaire d'une grève qui avait eu lieu contre notre directeur. Voilà. Donc la punition, c'était de me retrouver au fret. Mais ça s'est très bien passé là-bas. Et les 5 dernières années, c'était moins bien, puisque je suis passé à Air France par la force des choses quand UTA a été racheté. Et donc là, ce n'est pas non plus les 5 meilleures années de ma vie professionnelle. Mais bon, quand j'ai eu 55 ans et 6 mois, on m'a viré parce que j'étais trop vieux. Donc finalement, c'était pas si mal que ça, tout compte fait. À l'époque, mon épouse était assez malade et finalement, ça m'a bien arrangé de pouvoir être beaucoup plus longtemps, plus souvent près d'elle. Ouais, ça, je me souviens de cette époque-là. Ouais, c'était pas une très bonne époque. Non, c'était pas jojo. Et, voilà. Et donc, je m'étais, depuis 1964, j'avais commencé à écrire des romans. J'avais un copain qui travaillait à la répression des stupéfiants en France à l'époque. Ah bon, oui. Et il m'avait raconté des histoires et donc j'avais écrit des romans de policiers sur le trafic de drogue. Ça, j'ai jamais réussi à les placer. Donc je me suis mis à l'espionnage. Ça n'a pas beaucoup mieux marché. Je me suis donc lancé dans la science-fiction et j'ai commencé une saga de 10 romans. Mais... T'avais-tu une prédilection pour la SF ou bien... Oui, toujours. En fait, j'ai commencé à connaître la science-fiction quand j'avais 12 ou 13 ans par mon frère aîné qui, lui, en lisait et puis qui m'a fait lire mes deux premiers romans de science-fiction. Le premier, c'était « Ceux de nulle part » de Carzac, okay, qui était Orient fantastique. Et le deuxième, c'était « L'invasion de la Terre » par Jimmy Guilleux, le numéro 13 de Fleuve Noir. Oh! OK. Puis après ça, tu as découvert les grands classiques, je pense, les Asimov et tout ça? Tout à fait, oui, oui. C'est Asimov, Van Vogt, évidemment, et puis Heinlein, enfin bon, Vance, tout cela que j'aime beaucoup. Okay. Zelazny, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Ah oui. Pour revenir à ta série de 10 romans, c'est-tu là qu'est né Mazas? Non, pas du tout. Non, c'était l'histoire de... À l'époque, bon, J'allais à l'île d'Oléron, enfin j'y vais toujours d'ailleurs, ouais. Et j'avais imaginé une histoire, c'était un petit peu ce qui m'avait fait penser, c'était l'histoire des Robinson du Cosmos de Karzak, tu sais, où il y a un monde qui passe à proximité de la Terre et puis qui en enlève une partie. Ah. Et donc moi j'avais inventé, enfin si je peux dire, que l'île d'Oléron était transportée d'un seul coup sur une autre planète. Ok. Et cette île d'Oléron, en fait, tout simplement parce que les gens qui les avaient emmenés là-haut, les Terriens, ils avaient vu qu'ils étaient en guerre contre une autre race, et ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et ils avaient vu que les Terriens étaient des gens particulièrement guerriers et pugnaces, et donc ils les avaient enlevés pour leur servir de mercenaires, en fait. D'ailleurs, la série s'appelait Les Mercenaires de l'Infini. Puis, as-tu écrit les 10 romans? Et puis, après, je me suis arrêté. Et comme j'étais abonné à pas mal de revues, à pas mal de fanzines, et puis qu'ils étaient tout le temps en train de demander des textes, ben oui. J'ai commencé à écrire des nouvelles. Et puis, ben là, ça a bien marché. Il faut dire qu'en fanzine, c'est plus facile de se faire éditer. Oui. Ben ça, là, on est vers quelle époque, là? On est dans quelle année? 86. OK. OK. En 86, juste... Ça faisait déjà un bout de temps que tu écrivais? Ah oui, j'écrivais depuis 64-65. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années? Une vingtaine d'années, c'est ça. Okay. Où j'avais écrit, effectivement, je sais pas, au total, une quinzaine ou une vingtaine de romans, aussi bien science-fiction, espionnage ou policier. Ah, tabarouette, t'aimes écrire, c'est vrai? Ça, écrire comme ça, puis être jamais vraiment publié, des romans, c'est de l'ouvrage. Hein? Oui, mais en fait, je crois que j'écrivais surtout pour me faire plaisir à moi au départ. Ouais, voilà. T'as la passion. Oui. Oui, tout à fait. Je veux dire, bon, je veux pas dire que ça m'était égal de pas être édité, parce que ça fait toujours plaisir, évidemment, d'être édité. Ouais. Mais bon, j'étais pas bien triste quand je recevais une lettre où on me disait, ben non, c'est pas possible. Puis après, est arrivée la retraite à un moment donné? Ta retraite? Ma retraite, elle a commencé le 1er janvier 96. Là, t'as eu du temps? Alors, j'ai eu du temps. Et là, j'ai commencé... Ben, j'ai pas tellement écrit à cette époque-là, en plus. Je suis en train de réfléchir, mais... de temps en temps, une nouvelle. Mais... En fait, ce qui m'a relancé, c'est ton histoire de le jour où tu m'as demandé d'écrire une nouvelle pour la Gazette. Ça date de quand, ça? Ma première nouvelle pour la Gazette date du numéro 13. De quel... D'août 1999. Ok. Et c'était le 13e activateur. Ok. Puis t'as fait combien de nouvelles pour la Gazette? J'en ai fait deux, c'est-à-dire que tu m'as signalé que certains lecteurs avaient trouvé très triste que je fasse mourir mon héroïne et qu'ils espéraient que j'arriverais à m'en sortir. Et donc j'avais écrit une suite en évitant de la faire mourir. Et qui s'appelait, alors là je ne me souviens plus, je crois que c'était Trahison. Ah oui, ça se peut. Oui, Trahison, et ça c'était dans le numéro 16. Ok. D'août 2000. Oh boy, à perdre sans Mazas. Et ensuite, il y a eu le feuilleton à partir du numéro 17 de décembre 2000, agent de l'OMU. C'était, qui a été... c'était quand même une bonne idée. Oui, c'était une d'autant meilleure idée que jamais j'aurais pensé que ça irait au-delà, tu vois. Oui, parce que ça a été loin, là. T'en as fait combien de Mazas, là? Là, 10. Est-ce que t'en prévois d'autres? Ben, comme je te l'avais écrit, j'ai commencé un roman avec une descendante de Mazas. Ah, t'as commencé, c'est fait. Oui, c'est commencé. Hein. Je suis en train de faire un univers, si tu veux, parce que c'était assez facile d'écrire du Mazas en prenant l'univers de Perry Rodan. Et en y mettant de temps en temps un des mutants ou un des personnages de Perry Rodan. Mais là, comme je peux pas le sortir en e-book ni quoi que ce soit, du fait que je n'ai pas les droits de VPM. On a pensé qu'on allait faire un... C'est une idée de Marie-Christine, hein, d'ailleurs. Parce que j'avais pas du tout l'intention de me remettre à l'écriture. Voilà, mais je crois qu'on a dû digresser un petit peu, parce qu'on parlait... Ah ben si, on parlait de Mazas, qui est venu au jour grâce à toi, en fait. Puis, je pense que tu me disais que le personnage existait déjà. Oui, j'avais écrit une nouvelle il y a très longtemps, en 82 ou 83, qui s'appelait Un juste retour, qui était paru, je ne sais plus dans quelle revue, et qui était une nouvelle, où apparaissait cette Mazas. J'ai écrit dans le temps un roman à quatre mains avec un type qui avait une petite revue qui s'appelait Morgoth. Et il avait lu cette nouvelle et il me dit ce qui serait sympa, c'est de faire une suite, d'en faire un roman. On pourrait l'écrire à deux. J'ai dit d'accord. Donc on a commencé à écrire ce roman et donc j'écrivais un chapitre, je lui envoyais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet évidemment. Ah. Il le corrigeait, il le tapait déjà. Alors moi je l'écrivais à la main. Lui, il le tapait, il avait un truc de traitement de texte, et puis il me le renvoyait pour revoir. Donc c'était assez long. Et au chapitre 6 ou 7, il a réussi enfin à décrocher un contrat avec une maison d'édition pour écrire des livres pour enfants. Du coup, il m'a dit, bah, écoute, je vais te laisser terminer tout seul. Bon, bah, moi j'ai posé ça dans un coin, et puis ça s'est arrêté là. Ok. Et donc, quand toi, tu m'as demandé d'écrire un roman en feuilleton, je me suis dit, mais j'ai déjà le premier chapitre avec la nouvelle. Uh-huh. Et donc après, si tu veux, les 3-4 chapitres suivants m'ont servi à commencer ce feuilleton. Et après, bon, il a fallu que je continue. Mais je me demandais, dans ta nouvelle, est-ce que Steve existait? Est-ce que Corton existait? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as Steve, c'est un contrebandier, en fait, style un petit peu Han Solo, tu vois. Encore qu'à l'époque, je connaissais pas Han Solo, donc, quand je l'ai écrit. Et qui est chargé d'amener Mazas sur un monde hostile. Puis Corton? D'où t'es venu, Corton? Corton, ben, je l'avais mis comme ça parce qu'il lui fallait un copilote. il a aucune consistance, sinon celle que je lui ai donnée comme ça. J'en ai fait un gnome, pourquoi pas. Même à une époque où tu peux peut-être te faire arranger, mais bon. Mais c'était quand même... Je remarquais la comparaison, le contraste entre Steve, qui est beau gosse, on peut le dire. Ouais. En tout cas, dans ma tête, qui est beau gosse. Oui, oui. Et ben Corton, oui. Qui est difforme à quelque part. Oui. C'est les deux meilleurs amis du monde. On le sait très bien dans Jean de l'OMU. C'était voulu. Oui. Voulu, non, pas forcément, mais bon, après, ça rentre dans le jeu, tu vois. Par exemple, tu sais, les personnages, t'es un petit peu dépassé par tes propres personnages. Moi, il y a un personnage que j'avais mis au départ, c'est Arx. Oui. Parce que Arx, je l'avais mis, j'avais écrit un roman aussi, qui n'est pas paru, où il y avait ce fameux octopode. Et donc, je l'ai repris de ce roman qui n'était jamais paru et je l'ai collé dans Mazas, dans le feuilleton parce que que j'écrivais pour Terrania, parce que je trouvais que bon, ben, il tombait bien à ce moment-là, il m'aidait. Et mais dans mon esprit, c'était fini. Arx, après, d'autant plus qu'à la fin, il reste sur la planète pour faire le coup de feu contre ceux qui ont tué son copain. Ouais. Et pour moi, ça s'arrêtait là. Et puis, bah, Arx a fini par me bouffer. Et puis, il apparaît. Alors, je le fais apparaître dans le deuxième, juste à la fin, mais il vient donner vraiment un coup de main. Ouais. Et puis après, bah, il est devenu inamovible dedans. J'ai essayé de le faire mourir deux ou trois fois. Ouais, et oui. Puis à chaque fois, bah, j'ai reculé. Et puis, au dernier moment, bah, le dernier qui est sorti là en audio, bah, il devait mourir et puis il est sauvé in extremis par l'émir. Ouais, il est dur à tuer, il faut dire. Il est très dur à tuer. D'ailleurs, Je vais te faire rire. C'est que, comme j'écris, il y a un truc sur une descendante de Mazas. Je l'avais fait élever par le fils d'Arx. Oh. Ouais. Et puis finalement, je me suis dit, après tout, Arx, on ne sait pas du tout quelle longévité ont les Antillans. Du coup, j'ai enlevé le fils et j'ai remis Arx. Waouh, c'est encore plus. Donc Arx, ça fait le basculement entre la mère et la petite fille. Waouh. Waouh, chouette ça. J'ai hâte, ça veut dire que ton planning de roman de ta nouvelle série est déjà fait? Bah, là, il y a un. Tu sais où tu t'en vas? Je sais pas trop où je vais, hein. Honnêtement, j'avance un petit peu comme ça, je corrige au fur et à mesure, j'agrandis mon univers. Là, c'est. Si tu veux, l'Empire terrien et puis ses alliés est tombé sur une race étrangère qui voudrait lui aussi la place. Et donc, pendant 40 ans, ils se fritent, ils arrivent sur un espèce de statu quo, parce qu'ils sont donné des coups épouvantables, mais personne n'a vraiment pris l'avantage sur l'autre. Okay. Donc on en est, Mazas apparaît au moment où ils en sont en plein statu quo, et où elle hérite d'une mine, d'un filon de govarium, que tu ne connais pas, mais c'est un métal qui, lorsqu'il est traité, devient plus dur et quasiment indestructible, et qui doit donc servir pour les coques des vaisseaux. Ok. Et donc, elle hérite de cela et. La petite fille s'appelle Mazas aussi? Oui. Ok. Par contre, elle s'appelle Irsing. Ah oui, c'est ça. Mazas Irsing. C'est bon, c'est... je trouve ça excellent, le lien. Ben, elle n'a pas connu son père. Elle a toujours le nom de sa mère parce qu'elle n'a pas connu son père. Son père est décédé alors qu'elle n'était pas encore née. Son père était un mercenaire et donc. Ah oui. Les mercenaires ont des espérances de vie assez courtes, donc voilà. Ça, j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte de voir le background. C'est pas pour tout de suite. ça me met l'eau à la bouche. J'ai hâte de voir. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait tout le tour de ce que je pouvais te dire sur ce qui se passe actuellement avec Mazas. Donc, La suite, le mois prochain. La présence de notre émission dans la communauté de Radio H2O est désormais confirmée. Toute la série 2 du podcast est disponible sur le site radioh2o.ca et notre émission est diffusée les samedis et dimanches de 17 à 18 heures, heure de l'Est du Canada, sur leurs ondes. Merci une fois de plus à l'équipe de Radio H2O pour leur accueil. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours de janvier, dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'Avenir. Le 2, ce furent les deux derniers articles composant l'édition du 8 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Empoisonnement. Le dimanche soir, 20 août dernier, mourait subitement à Bulwer, canton d'Eaton, à environ 12 000 de Sherbrooke, M. S. E. Coates, négociant, âgé de 27 ans. Cette mort a surpris, à bon droit, les amis et les parents du défunt, car seulement 20 minutes auparavant, il était en parfaite santé. Le 9, nous vous présentions la tranche des fascicules 20 à 29 des résumés Perry Rodden, rédigés par Michel Vanereux. Une bombe force le navire à s'écraser. Et les hommes de Tomisenkov fuient. Le transporteur qu'utilise le major Conrad Deringhouse est hors d'usage, quelqu'un ayant enlevé le relais à impulsion positronique. Son équipage rejoint le reste des terriens alors que les Russes s'emparent de l'appareil. Le 16, nous mettions en ligne le début de la relation de 1611, soit les chapitres 1 à 3, des relations des jésuites. Au préalable, selon notre promesse et comme l'exige la condition de notre dessein, nous montrerons l'horoscope et géniture de ces terres, je veux dire l'aspect du ciel sur Icelle, leur temps, saison, température et qualité. Chapitre 2. Des temps, saisons et températures de la Nouvelle-France. Le 23, c'était une nouvelle d'Edgar Poe, telle qu'interprétée par Armen, le roi peste. Particulièrement constaté à chaque hiver, à l'ouverture annuelle des barrières, que les serrures, les verrous et les caves secrètes n'avaient protégé que médiocrement ces amples provisions de vin et liqueurs, que, vu les risques et les embarras du déplacement, plusieurs des nombreux marchands ayant boutique dans le voisinage s'étaient résignés, durant la période de l'exil, à confier à une aussi insuffisante garantie. Enfin, le 30, nous vous présentions un conte du pays gallo, l'oiseau du roi. Sa marraine, qui l'aimait beaucoup et qui ne voulait pas lui faire de peine, la reconduisit à la porte de la méchante femme. Celle-ci, qui était sur le point de se remarier, éprouva un vif mécontentement en revoyant son enfant et craignit surtout qu'elle lui fît manquer son mariage. « Viens près de moi, » lui dit-elle, « que je te peigne, car tu en as grand besoin. » Et elle déroula les magnifiques cheveux de sa fille. Puis, vous êtes intéressé à devenir réalisateur bénévole pour les éditions de l'avenir? Il y a toujours plusieurs projets audio en cours, mais qui tardent à aboutir faute de temps pour les réaliser. Je ne dirai pas non à quelques valeureux volontaires. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur Soundmap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide à www.miroguide.com/audio/16760 et depuis peu chez Radio H2O à radioh2o.ca. Vous nous retrouverez également sur Twitter à l'Avenir Audio ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'Avenir Audio. Et voilà, ainsi se termine cette 16e émission de la 2e série du podcast des éditions de l'Avenir. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.